le grain bleu. Un atome a bougé dans le corps sidéral, fatale destinée d'un grain de sable bleu perdu dans l'infini du grand désert astral, constamment traversé de cris silencieux. Terre, belle planète, tu trembles sur ta base, totale catastrophe où l'homme gesticule. Ce n'est que le hoquet d'une ivre métastase, tumeur de l'univers, souillure minuscule. Terre, belle planète infectée peu à peu au long de ton histoire par la cupidité, tu troubles le cosmos qui, tel un désaveu, envoie des anticorps contre l'humanité. Un atome a bougé dans le vide glacial, mais cette immensité demeure indestructible. Les étoiles en nombre infinitésimal, dans le néant poursuivre leur course paisible. La morale en éclair, humains incorrigibles, qui vivaient de la terre et non pas avec elle. Nous mériterons tous le sort des corps nuisibles, sauf à se diriger vers une vie nouvelle.